Bigfoot. J'en veux des filles. J'en veux des connes. J'en veux la première qui suspecte l'autre. J'en veux des jours. Une bonne douzaine. Pour les casser avec mon bec, pour en remplir ma montre paresseuse. Thank you.